La Dame d'Auteuil. 1. La poésie sous les toits. Dans les premiers mois de 1836, un homme, dont l'accent décelait l'origine gasconne, vint louer un petit appartement de 3 pièces, au 5e étage, dans un hôtel de la rue de l'Ouest, situé derrière le Luxembourg. Son bagage était des plus minces, son costume des plus modestes, mais il y avait un tel cachet de bonne foi sur sa physionomie, tout en lui respirait tellement l'honnêteté et la distinction, qu'on lui loua de confiance. Cet homme, qui pouvait avoir une 40aine d'années, amenait avec lui sa fille, une jeune personne de 15 ans au plus, charmante et gracieuse, portant sa petite robe d'indienne trop courte, comme il portait lui-même son habit noir suranné, c'est-à-dire de manière à donner à croire qu'une telle mise n'était pas faite pour elle. L'arrivée de ces deux locataires mystérieux causa une sorte de sensation dans l'hôtel, et pendant 2 ans que M. Danglade habita rue de l'Ouest, la curiosité qu'il avait excitée tout d'abord subsista et ne fut jamais satisfaite. Le singulier effet de ses manières, ce qui de la part de tout autre aurait produit une impression défavorable, augmenta au contraire la considération qu'il s'était concilié sans l'avoir cherché. M. Danglade sortait le matin de très bonne heure. Il ne rentrait que le soir, vers 6 heures, montait chercher sa fille, qui l'attendait, et tous les deux prenaient silencieusement le chemin de Viot, le restaurateur providentiel du quartier latin. Les habitués du lieu n'avaient pas été longtemps sans remarquer la jeune fille. Aussi, quand M. Danglade et Berthe faisaient leur entrée dans le restaurant, un murmure d'admiration courait de table en table. La pauvre enfant avait ensuite à soutenir une artillerie d'œillades, si persistante et dirigée avec un tel ensemble que, littéralement, elle ne pouvait lever les yeux au-dessus de son assiette. Après le dîner, M. Danglade ramenait sa fille et ressortait tout de suite, pour ne rentrer qu'à minuit au plus tôt. Que pouvait faire durant les longues heures de sa solitude cet enfant ainsi abandonné à elle-même ? Appuyée sur le petit balcon de sa fenêtre, elle rêvait, et ce qui occupait sa pensée, ce qui attirait ses regards, ce n'étaient pas les beaux arbres du Luxembourg ou le magnifique panorama de Paris se déployant au loin. C'était bien plutôt ces rares promeneurs qui passaient, solitaires et pensifs, sous les allées ombreuses du jardin. C'était encore aux 1000 fenêtres qui s'ouvraient de toutes parts, des femmes riches, heureuses, c'est-à-dire parées, des jeunes filles préparant leur toilette pour le bal du soir. Pour l'homme jeune, pour le cœur enthousiaste, pour la pensée inquiète et troublée, la solitude a ses dangers, et comme déjà Berthe détestait la vie monotone qu'elle menait, elle s'arrangeait un avenir tout plein de délices et brillant de plaisirs. Le monde était pour elle quelque chose d'énivrant. Ce qu'elle en voyait par échappée, ces belles jeunes femmes traversant parfois, au bras de leurs frères ou de leurs maris, les massifs du Luxembourg, ces voitures qui, par le beau soleil, se découvraient pour laisser voir la soie de leur intérieur, ces laquais aux livrées éclatantes, ces plumes que cachaient à demi de petites ombrelles blanches, roses, lilas, tout cela ondoyant, plumes, femmes, or, couleurs, au balancement moelleux des équipages. Tout cela la ravissait, la rendait folle. Puis, quand son regard se reportait sur l'étoffe terne et fanée de sa robe, sur sa petite chaise de paille, sur les pauvres meubles de sa chambre, elle pleurait. Et cependant, aucune pensée mauvaise n'avait altéré la sérénité de son front. Elle était chaste et naïve encore, comme au sortir des mains de Dieu. La fenêtre de Berthe, bien que dominant le jardin du palais des pères, donnait aussi sur la cour de la maison qu'elle habitait. Vis-à-vis de cette fenêtre, dans l'aile opposée, qui était moins haute d'un étage, s'ouvrait un châssis à charnière, donnant du jour à une petite chambre, laquelle était occupée par un jeune artiste, un sculpteur, dont la vie se passait à travailler ou à flâner. L'artiste s'appelait Lucien Bressan. Il était grand et fort, hardi d'allure, franc de physionomie et de parole, spirituel, ardent, paresseux et poète. Poète au point d'avoir gardé, au milieu du bouffon spepticifs des ateliers, sa foi en Dieu et sa croyance en l'amour. Lucien avait été mauvais garçon. Comme tant d'autres, il avait mené la vie d'artiste après la vie d'étudiant. mais il n'était point de ceux que le plaisir blase ou tue, au rebours de ces pauvres natures, qui, téméraires dans leur faiblesse, attaquent étourdiment la vie aventureuse, se prennent un jour corps à corps avec elle, puis s'affaissent bientôt pour s'éveiller. Honteux débris, veufs à 20 ans de ce qu'ils appellent des illusions. Revenu à lui, il s'était remis à marcher d'un pas ferme. Il était homme et se tenait au complet. Mais par cela seul que ses sens n'étaient pas émoussés, que son cœur était demeuré vierge et son énergie entière, il fut à 25 ans une sorte d'exception bizarre au milieu de cette foule d'hommes alanguis par les excès. Il vécut d'une vie excentrique et changeante, tournant pour ainsi dire au vent de sa fougueuse inconstance, nature chevaleresque et dévouée à l'excès. Il lui eût été impossible de se baisser pour passer par cette porte basse de la nécessité dont parle le grand poète. Et cependant, Lucien n'avait pour subsister que son art. Sa fortune, moins robuste que lui-même, avait succombé dès longtemps. Il travaillait, mais par boutade, et son talent d'ailleurs n'était pas de ceux qu'affectionne la masse. De temps en temps, son ciseau produisait une ébauche devant laquelle ses confrères s'arrêtaient avec admiration. Mais avant que l'ébauche fût terminée, l'inspiration semblait se perdre en lui, et soit nécessité, soit fantaisie, son atelier se remplissait ainsi d'œuvres inachevées. Toutefois, malgré cette apparente impatience, Lucien avait en lui le germe de ses talents originaux, qui sont destinés à triompher de l'inattention de la foule. Comme André Chénier, il se sentait dans le cœur et dans la tête la fièvre ardente, inquiète du génie, et sans qu'il sût précisément vers quel but il marchait, il comprenait que, quelques jours, le voile se déchirerait et que la gloire apparaîtrait dans toute sa splendeur à ses yeux éblouis. Avant l'époque où M. Danglade vint habiter la rue de l'Ouest, on rencontrait souvent Lucien assis sur un banc, solitaire, au fond du Luxembourg. Il était rarement triste. Le plus souvent, sa physionomie portait l'empreinte d'une insouciance et d'une tranquillité parfaite. Comme Berthe, il rêvait. Mais ses rêveries à lui n'avaient pas pour objet un monde fantastique. C'était le monde réel, considéré d'un point de vue trop poétique peut-être, mais embrassé d'un coup d'œil vaste et perçant. Le rêve de Lucien était tout à la fois une aspiration et un souvenir sans regret, car il n'avait rien perdu, une aspiration sans inquiétude, car il se moquait de ses désirs, qui gloire, amour, fortune, changeaient 20 fois en 1 heure. Souvent, il prenait ses tablettes et écrivait rapidement quelques vers, non moins brillants et aussi peu achevés que ses ébauches de sculpture. Ce devait être un curieux album que celui de cet homme, qui ne dédaignait rien et connaissait tout, hors le mensonge ou la bassesse. Vers le commencement de 1836, peu après l'arrivée de M. Danglade, Lucien changea tout à coup de conduite. Ses promenades au Luxembourg cessèrent, mais sans que pour cela son atelier le vît davantage. Il passait sa vie dans sa petite chambre, au premier étage. Là, il écrivait ou modelait presque sans relâche. Il semblait pris d'un subit accès d'activité. Qu'était-il donc arrivé à Lucien pour qu'il abandonnât ainsi ses habitudes aimées de flânerie ou de paresse? Il avait vu un jour Berthe à sa fenêtre, il l'avait trouvée belle, et il l'avait aimée. Dès que l'image de Berthe était venue se placer sous le regard du jeune artiste, l'idée d'un amour nouveau, puissant, fécond, s'était emparée souverainement de son esprit. Celui fut d'abord une fatigue étrange et impatiemment supportée. Cet amour l'effraya sérieusement. Il eut une velléité de fuir, mais il fallut se faire violence, il resta. Bientôt sa passion, le dominant entièrement, il fit trêve à son activité passagère. Vous l'eussiez vu tous les jours caché derrière les rideaux de sa fenêtre, dévorant des yeux la jeune fille et n'osant se montrer. Berthe, de son côté, n'avait pas été sans remarquer la belle figure de l'artiste, son voisin. Mais absorbée dans son désir inquiet, elle avait donné peu d'attention à Lucien. Et lorsque celui-ci, dans le but singulièrement détourné d'avancer ses affaires, s'avisa de se cacher entièrement, elle n'y pensa plus. Cependant, la passion de Lucien grandissait sans mesure. L'imagination de l'artiste, exaltée jusqu'au délire, menaçait d'éclater en folie. Cet état était d'autant plus dangereux que Lucien, n'ayant pas d'amis assez intimes pour recevoir ses confidences, il restait entièrement livré à lui-même. Cependant, cette crise devait se dénouer sans catastrophe aucune. Un jour, Berthe était, comme à l'ordinaire, appuyée sur sa fenêtre. Il faisait une délicieuse journée. Le soleil étincelait. Le vent frais et pur du matin apportait les murmures et les parfums des arbres du Luxembourg. Berthe écoutait les mélodies caressantes que chantaient dans son cœur la joie et l'espoir de ses jeunes années. Tout à coup, quelque chose effleura légèrement les grappes soyeuses de ses cheveux noirs et s'en alla tomber au milieu de la chambre. Berthe, surprise, leva les yeux et interrogea du regard les fenêtres qui lui faisaient face. Une seule était à demi ouverte. C'était celle de l'artiste. Mais la chambre était vide. Nul mouvement, du moins, n'y décelait la présence de quelqu'un. Berthe, curieuse comme doit l'être toute jeune fille de 15 ans, se précipita vers l'objet qui gisait à ses pieds. Quelques secondes après, elle dépliait un petit rouleau de papier sur lequel étaient écrits ces deux vers. « Dans ton œil caressant, je lis un doux émoi. Tu rêves, bel enfant, et ce n'est point à moi. » Berthe resta quelques secondes la tête baissée. Puis elle alla fermer la fenêtre. À ce mouvement, le pauvre Lucien, qui caché derrière le rideau de sa fenêtre épiait la jeune fille, se prit à regretter amèrement sa démarche. Il eut peur de s'être aliéné sans retour de ce cœur, qu'il supposait plus candide qu'il n'est probablement cœur de femme sous le ciel. Puis, comme il crut qu'il ne parviendrait jamais à faire partager son amour, après une journée entière passée dans une anxiété fiévreuse, il se résolut à combattre bravement un sentiment qui ne lui offrait aucun espoir. Cependant, le lendemain, dès l'aube, il était établi de nouveau à son poste d'observation. Ainsi qu'il l'avait pensé, Berthe s'était offensée de la façon dont la déclaration lui avait été adressée. Toutefois, elle était femme, et cet incident subit a troublé sa vie, déjà si inquiète. Évidemment, ce billet ne pouvait venir que de son voisin. Elle ne s'y était pas un instant trompée. Ainsi que Lucien, elle prit dès lors la résolution d'éviter soigneusement de tourner les yeux vers la fenêtre du jeune artiste. Mais comme Lucien, elle n'eut ni l'énergie ni la fermeté nécessaires pour tenir sa résolution. Elle regarda donc, et ce premier regard fut suivi d'un premier désappointement. Elle n'aperçut personne, et tout le jour des pensées étranges vinrent la visiter, pensée vague encore, qui n'avait pas même l'artiste pour objet exclusif. Mais n'est-ce pas déjà beaucoup d'être l'occasion de pareils rêves? Lucien, toujours caché, assistait, invisible, à ce petit drame tout intérieur. Il revivait, pour ainsi dire, et l'espoir pénétrait radieux dans son cœur qui l'illuminait. Toutefois, les craintes de l'artiste avaient été d'abord trop vives pour qu'il pût reprendre tout de suite son aplomb naturel, et il fut 5 ou 6 jours sans se montrer. S'il se faisait si timide et savourait en idée les douceurs d'un amour encore inaccepté, ce n'est pas qu'il y trouva une satisfaction d'amour-propre ou tout autre bonheur de convention, non. Lucien aimait avec toutes les facultés de son âme et cette femme dont le chaste sourire lui promettait tant de bonheur. Il l'entourait de respect et de vénération. Un des effets heureux et immédiats de cet amour fut de ramener Lucien au travail. Il y retourna avec ardeur, avec enthousiasme. Maintenant, il croyait à l'avenir. Il le voyait, il le touchait du doigt. Et puis, il voulait devenir célèbre. Il avait désormais un but dans la vie. Il avait à se rendre digne de la femme qu'il aimait. Il voulait faire son nom plus grand pour que la femme à laquelle il allait l'offrir en pût être heureuse et fière. Il avait repris son travail d'atelier. Il sculptait maintenant comme au temps de ses promenades solitaires, et pour rien au monde, il ne voulut se laisser distraire de cette activité qu'il avait repris. Déjà, il y avait un chef-d'œuvre dans cet atelier, dont les marchands et les amateurs avaient presque oublié le chemin. Dans un coin, sous un voile de soie blanche, se cachait une statuette de 2 pieds de haut, que nul n'avait été admis à contempler. C'était Berthe, Berthe divine de beauté, Berthe parée de la candeur merveilleuse à laquelle ajoute encore l'admiration et l'amour. Un véritable chef-d'œuvre. Un jour, Lucien travaillait seul dans son atelier. Un bruit, depuis longtemps inusité, lui fit tourner la tête. Des pas résonnaient sur le pavé du petit vestibule. Il allait recevoir une visite. D'un regard rapide, il s'assura que la statuette de Berthe était bien couverte de son voile. Et il attendit.